Œuvre complète de Lamartine publiée et inédite. Tome 6e. Paris chez l'auteur, rue de la Ville-l'Évêque, 43, 1861. Syrie, Galilée, suite. 22 octobre 1832. Journée de repos passée au monastère du Mont Carmel, ou à parcourir les sites de la montagne et les grottes d'Élie et des prophètes. La principale de ces grottes, évidemment taillée de main d'homme dans le roc le plus dur, est une salle d'une prodigieuse élévation. Elle n'a d'autre vue que la mer sans bornes, et on y entend d'autres bruits que celui des flots qui se brisent continuellement contre l'arête du cap. Les traditions disent que c'était là l'école où Élie enseignait les sciences des mystères et des hautes poésies. L'endroit était admirablement choisi, et la voix du vieux prophète, maître de toute une innombrable génération de prophètes, devait majestueusement retentir dans le sein creusé de la montagne qu'il sillonnait de tant de prodiges, et à laquelle il a laissé son nom. L'histoire d'Élie est une des plus merveilleuses histoires de l'Antiquité sacrée. C'est le géant des bardes sacrés. À lire sa vie et ses terribles vengeances, il semble que cet homme avait la foudre du Seigneur pour âme. Et que l'élément sur lequel il fut enlevé au ciel était son élément natal. C'est une belle figure lyrique ou épique à jeter dans le poème des vieux mystères de la civilisation judaïque. En tout, l'époque des prophètes, à la considérer historiquement, est une des époques les moins intelligibles de la vie de ce peuple fugitif. On aperçoit cependant, et surtout dans l'époque d'Élie, la clé de cette singulière organisation du corps des prophètes. C'était évidemment une classe sainte et lettrée, toujours en opposition avec les rois, tribun sacré du peuple, le soulevant ou l'apaisant avec des chants, des paraboles, des menaces, formant des factions dans Israël, comme la parole et la presse en forment parmi nous, se combattant les uns les autres, d'abord avec le glaive de leur parole, puis avec la lapidation ou l'épée, s'exterminant de la face de la terre, comme on voit Élie en exterminer par centaines, puis succombant eux-mêmes à leur tour, et faisant place à d'autres dominateurs du peuple. Jamais la poésie proprement dite n'a joué un si grand rôle dans le drame politique, dans les destinées de la civilisation. La raison ou la passion, selon qu'ils étaient faux ou vrais prophètes, ne parlaient, par leur bouche, que la langue énergique et harmonieuse des images. Il n'y avait point d'orateur comme à Athènes ou à Rome. L'orateur est trop homme. Il n'y avait que des hymnes et des lamentations, le poète est divin. Quelle imagination ardente, colorée, délirante, ne suppose pas dans un pareil peuple une pareille domination de la parole chantée. Et comment s'étonner qu'indépendamment du haut sens religieux que ces poésies renfermaient, elles aient été un monument aussi accompli, aussi inimitable, de génie et de grâce? Le prix des poètes alors, c'était la société même. Leur inspiration leur soumettait le peuple, ils l'entraînaient à leur gré au crime ou à l'héroïsme. Ils faisaient trembler les rois coupables, leur jetaient la cendre sur le front, ou, réveillant le patriotisme dans le cœur de leurs concitoyens, ils les faisaient triompher de leurs ennemis, ou leur rappelaient, dans l'exil et dans l'esclavage, les collines de Sion et la liberté des enfants de Dieu. Je suis étonné que, parmi tous les grands drames que la poésie moderne a puisés dans l'histoire des Juifs, elle n'ait pas conçu encore ce drame merveilleux des prophètes. C'est un beau chant de l'histoire du monde. Même date. Je reviens de me promener seul sur les pentes embaumées du Carmel. J'étais assis sous un arbousier, un peu au-dessus du sentier à pic qui monte au sommet de la montagne et aboutit au couvent, regardant la mer qui me sépare de tant de choses et de tant d'êtres que j'ai connus et aimés, mais qui ne me sépare pas de leurs souvenirs. Je repassais ma vie écoulée, je me rappelais des heures pareilles passées sur tant de rivages divers et avec des pensées si différentes. Je me demandais si c'était bien moi qui étais là au sommet isolé du mont Carmel, à quelques lieues de l'Arabie et du désert, et pourquoi j'y étais, et où j'allais, et où je reviendrais, et quelle main me conduisait, et qu'est-ce que je cherchais sciemment, ou à mon insu, dans ces courses éternelles à travers le monde. J'avais peine à recomposer un seul être de moi-même avec les faces si opposées et si imprévues de ma courte existence, mais les impressions si vives, si lucides, si présentes, de tous les êtres que j'ai aimés et perdus, retentissaient toutes avec une profonde angoisse dans le même cœur, et me prouvaient trop que cette unité, que je ne retrouvais pas dans ma vie, se retrouvait tout entière dans mon cœur. Et je sentais mes yeux se mouiller en regardant le passé, où je n'apercevais déjà que 5 ou 6 tombeaux, où mon bonheur s'était déjà 5 ou 6 fois englouti. Puis, selon mon instinct, quand mes impressions deviennent trop fortes et sont près d'écraser ma pensée, je les soulevais d'un élan religieux vers Dieu, vers cet infini qui reçoit tout, qui absorbe tout, qui rend tout. Je le priais, je me soumettais à sa volonté toujours bonne. Je lui disais, « Tout est bien, puisque vous l'avez voulu. Me voici encore, continuez à me conduire par vos voies et non par les miennes. Menez-moi où vous voudrez et comme vous voudrez, pourvu que je me sente conduit par vous. Pourvu que vous vous révéliez de temps en temps à mes ténèbres par un de ces rayons de l'âme qui nous montre, comme l'éclair, un horizon d'un moment au milieu de notre nuit profonde. Pourvu que je me sente soutenu par cette espérance immortelle que vous avez laissée sur la terre comme une voix de ceux qui n'y sont plus. Pourvu que je les retrouve en vous, et qu'ils me reconnaissent. Et que nous nous aimions dans cette ineffable unité que nous formerions, vous, eux et nous. Cela me suffit pour avancer encore, pour marcher jusqu'au bout dans ce chemin qui semble sans but. Mais faites que le chemin ne soit pas trop rude à des pieds déjà blessés. Je me suis relevé plus léger, et me suis pris à cueillir des poignées d'herbes odoriférantes dont le Carmel est tout embaumé. Les pères du couvent en font une espèce de thé plus parfumé que la menthe et la sauge de nos jardins. J'ai été distrait de mes pensées et de mon herborisation par le pas de 2 ânes dont les fers retentissaient sur les rocs polis du sentier. 2 femmes, enveloppées de la tête aux pieds d'un long drap blanc, étaient assises sur les ânes. Un jeune homme tenait la bride du premier de ces animaux. Et 2 Arabes marchaient derrière, la tête chargée de larges corbeilles de roseaux, recouvertes de serviettes de mousseline brodées. C'était Monsieur Malagamba, sa mère et sa sœur, qui montaient au monastère pour m'offrir des provisions de route qu'elles nous avaient préparées pendant la nuit. Une des corbeilles était remplie de petits pains jaunes comme l'or, et d'une saveur exquise. Précieuse rencontre dans une contrée où le pain est inconnu. L'autre était pleine de fruits de tout genre, de quelques bouteilles d'excellent vin de Chypre et du Liban, et de ses confitures innombrables, délices des orientaux. Je reçus avec reconnaissance le présent de ces aimables femmes. J'envoyai les Arabes porter les corbeilles au monastère, et nous nous assîmes, pour causer un moment des infortunes de Madame Malagamba. L'endroit était charmant, c'était sous 2 ou 3 grands oliviers qui ombragent un des bassins que la source du prophète Élie s'est creusé en tombant de roc en roc dans un petit ravin du mont Carmel. Les Arabes avaient étendu les tapis de leurs ânes sur le gazon qui entoure la source, et les deux femmes, qui avaient repoussé leurs longs voiles sur leurs épaules, assises sur le divan du voyageur, au bord de l'eau, dans leur costume le plus riche et le plus éclatant, formaient un groupe digne de l'œil d'un peintre. J'étais assis moi-même, vis-à-vis d'elles, sur une corniche du rocher d'où tombait la source. Bien des larmes mouillèrent les yeux de Madame Malagambar en repassant ainsi devant moi le temps de ses prospérités, et sa chute dans l'infortune, et ses misères présentes, et sa fuite de Saint-Jean d'Acre, et ses préoccupations maternelles sur l'avenir de son fils et de ses charmantes filles. Mademoiselle Malagamba écoutait ce récit avec l'insouciance tranquille de la première jeunesse. Elle s'amusait à réunir en bouquet les fleurs sur lesquelles elle était assise. Seulement, lorsque la voix de sa mère s'altérait en parlant, et que des larmes tombaient de ses yeux, sa fille passait son bras autour du cou de sa mère, et essuyait ses pleurs avec le mouchoir de mousseline brodée d'argent qu'elle tenait à la main. Puis, quand le sourire revenait sur le visage de sa mère, elle reprenait sa distraction enfantine, et assortissait de nouveau les nuances de son bouquet. Je promis à ces pauvres femmes de me souvenir d'elles et de leur hospitalité si inattendue, à mon retour en Europe, et de solliciter un peu d'avancement de mes amis à Turin pour le jeune agent consulaire de Caïfa. L'espérance, quoique bien éloignée et bien incertaine, rentra dans le cœur de Madame Malagamba, et la conversation prit un autre tour. Nous parlâmes des mœurs du pays et de la monotonie de la vie des femmes arabes, dont les femmes européennes qui vivent en Arabie sont obligées de contracter aussi les habitudes. Mais Mademoiselle Malagamba et sa mère n'avaient jamais connu d'autre genre de vie, et s'étonnaient au contraire de ce que je leur racontais de l'Europe. Vivre pour un seul homme et d'une seule pensée dans l'intérieur de leurs appartements. Passer la journée sur un divan à tresser ses cheveux, à disposer avec grâce les nombreux bijoux dont elle se pare. Respirer l'air frais de la montagne ou de la mer, du haut d'une terrasse ou à travers les treillis d'une fenêtre grillée. Faire quelques pas sous les orangers et les grenadiers d'un petit jardin, pour aller rêver au bord d'un bassin que le jet d'eau anime de son murmure. Soigner le ménage, faire de ses mains la pâte du pain, le sorbet, les confitures. Une fois par semaine, aller passer la journée au bain public en compagnie de toutes les jeunes filles de la ville, et chanter quelques strophes des poètes arabes en s'accompagnant sur la guitare. Voilà toute la vie de l'Orient pour les femmes. La société n'existe pas pour elles. Aussi n'ont-elles aucune de ces passions factices de l'amour propre que la société produit. Elles sont toutes à l'amour quand elles sont jeunes et belles, et, plus tard, toutes aux soins domestiques et à leurs enfants. Cette civilisation en vaut-elle une autre ? Comme nous étions à causer ainsi de choses au hasard, Mondroguement, jeune homme né en Arabie et très versé dans les lettres arabes, me cherchait aux alentours du monastère, et me découvrit auprès de la fontaine. Il m'amenait un autre jeune arabe qui avait appris mon arrivée à Caïfa, et qui était venu de Saint-Jean d'Acre pour faire connaissance avec un poète de l'Occident. Ce jeune homme, né dans le Liban et élevé à Alep, était célèbre déjà par son talent poétique. J'en avais souvent entendu parler moi-même et je m'étais fait traduire plusieurs de ses compositions. Il m'en apportait quelques-unes, dont je donnerai plus loin la traduction. Il s'assit avec nous auprès de la fontaine, et nous causâmes assez longtemps, avec l'aide de Mondroguement. Cependant le jour baissait, il fallait nous séparer. Puisque nous sommes ici deux poètes, lui dis-je, et que le hasard nous réunit de deux points du monde si opposés dans un lieu si charmant, dans une si belle heure, et en présence d'une beauté si accomplie, nous devrions consacrer, chacun dans notre langue, par quelques vers, notre rencontre et les impressions que ce moment nous inspire. Il sourit. Il tira de sa ceinture l'écritoire et la plume de roseau, qui ne quitte pas plus un écrivain arabe que le sabre ne quitte le cavalier. Nous nous écartâmes tous les deux de quelques pas, pour aller méditer un moment nos vers. Il eut fini bien avant moi. Voici ses vers, et voici les miens. On y reconnaîtra le caractère des deux poésies, mais je n'ai pas besoin d'avertir combien toutes les langues perdent à passer dans une autre. Dans les jardins de Caïfa, il y a une fleur que le rayon du soleil cherche à travers le treillis des feuilles de palmier. Cette fleur a des yeux plus doux que la gazelle, des yeux qui ressemblent à une goutte d'eau de la mer dans un coquillage. Cette fleur a un parfum si enivrant, que le cheikh qui s'enfuit devant la lance d'une autre tribu, sur sa jument plus rapide que la chute des eaux, la sent au passage, et s'arrête pour la respirer. Le vent de Simoun enlève des habits du voyageur tous les autres parfums, mais il n'enlève jamais du cœur l'odeur de cette fleur merveilleuse. On la trouve au bord d'une source qui coule sans murmure à ses pieds. Jeune fille, dis-moi le nom de ton père, et je te dirai le nom de cette fleur. Voici ceux que je rapportai moi-même, et que je fis traduire aussitôt en arabe par mon drogman. Fontaine au bleu miroir, quand sur ton vert rivage la rêveuse lila dans l'ombre vient s'asseoir, et sur tes flots penchés y jette son image. Comme au golfe immobile une étoile du soir, d'un mobile frisson tes flots dormants se plissent, on n'en voit plus le fond de sable ou de roseau, mais de charme et de jour tes ondes se remplissent, et l'œil ne cherche plus son ciel que dans tes eaux. Tu n'es plus qu'un reflet de ravissantes choses, yeux bleus comme ces fleurs qui bordent ton bassin, dents de nacre riant entre des lèvres roses, globe qu'un souffle pur soulève avec le sein. Cheveux nattés de fleurs et que leur poids fait pendre, anneaux qui de ses doigts relèvent le carmin, perles brillant sous l'onde et que l'on croit y prendre. Comme son sable d'or, en y plongeant la main. Ma main s'étend sur toi, source où cette ombre nage, de peur que par le vent tout ne soit effacé, et mes lèvres voudraient, jalouses du rivage, boire ces flots heureux où l'image a passé. Mais quand Lila, riant, se lève et suit sa mère, ce n'est plus qu'un peu d'eau dans un bassin obscur. Je goûte en vain les flots du doigt, l'onde est amère, et la vase et l'insecte en ternissent l'azur. Eh bien, ce que tu fais pour ces flots, jeune fille, sur mon âme à jamais la beauté le produit. Il y fait joie et jour tant que son œil brille. Dès que son œil se voile, et là s'il y fait nuit. Or, la jeune fille pour qui nous venions de faire ces vers, en français et en arabe littéral, n'entendait ni le français ni l'arabe, et ne comprenait qu'un peu l'italien. 23 octobre 1832. Au lever du soleil, nous avons quitté, frais et dispos, le couvent du Mont Carmel et ses deux excellents religieux, et nous nous sommes acheminés par des sentiers escarpés qui descendent du cap à la mer. Là, nous sommes entrés dans le désert. Il règne entre la mer de la Syrie, dont les côtes ici sont en général plates, sablonneuses et découpées en petits golfes, et les montagnes qui font suite au Mont Carmel. Ces montagnes s'abaissent, par degrés insensibles, en se rapprochant de la Galilée. Elles sont noires et nues. Les rochers percent souvent l'enveloppe de terre et d'arbustes qui leur restent. Leur aspect est sombre et morne. Elles n'ont que leurs vêtements de lumière éblouissante et la majesté idéale du passé qui les entoure. De temps en temps la chaîne, qu'elle continue pendant environ 10 lieues, est brisée, et quelques vallées peu profondes s'entr'ouvrent au regard. Au fond ou sur les lianes d'une de ces vallées, nous voyons distinctement les restes d'un château fort, et un grand village arabe qui s'étend sous les murs du château. La fumée des maisons s'élève et serpente le long des flancs du Carmel, et de longues files de chameaux, de chèvres noires et de vaches rouges, se prolongent du village dans la plaine que nous traversons. Quelques Arabes à cheval, armés de lances et vêtus seulement de leur couverture de laine blanche, les jambes et les bras nus, marche en tête et en flanc de ces caravanes de pasteurs qui vont mener les troupeaux à la seule source que nous ayons rencontrée depuis 4 heures. Les sources ont été découvertes et creusées autrefois par les habitants des villes situées toutes au bord de la mer. Les Arabes actuels ont abandonné ces villes depuis des siècles. Il n'y reste que la fontaine, et ils font tous les jours ce voyage d'une heure ou deux, pour venir chercher l'eau et abreuver des troupeaux. Nous avons marché tout le jour sur des débris de murailles, sur des mosaïques qui percent le sable. La route est jalonnée de ruines qui attestent la splendeur et l'immense population de ces rivages dans les temps reculés. Nous avions depuis le matin à l'horizon devant nous, au bord de la mer, une immense colonne sur laquelle les rayons du soleil étaient répercutés, et qui semblait grandir et sortir des flots à mesure que nous avancions. En approchant, nous reconnaissons que cette colonne est une masse confuse de magnifiques ruines appartenant à différentes époques. Nous distinguons d'abord une immense muraille, toute semblable, par sa forme, sa couleur, et la taille des pierres, à un pan du Colisée à Rome. Cette muraille, d'une prodigieuse hauteur, se dresse, seule et échancrée, sur un monceau d'autres ruines de construction grecque et romaine. Bientôt nous découvrons, au-delà de ce pan de mur, les restes élégants et découpés à jour, comme une dentelle de pierre, d'un monument mauresque, église ou mosquée, ou peut-être tous les deux tour à tour, puis une série d'autres débris debout, et d'une belle conservation, de plusieurs autres constructions antiques. Le chemin de sable que suivaient nos moucres nous menait assez près de ces curieux débris du passé, dont nous ignorions complètement l'existence, le nom et la date. À environ un demi-mille de ce groupe de monuments, la côte de la mer s'élève et le sable se change en rocher. Ce rocher a été taillé partout par la main des hommes sur une étendue d'environ 1 mille de circuit. On dirait une ville primitive creusée dans le roc avant que les hommes eussent appris l'art d'arracher la pierre à la terre et de s'élever des demeures à sa surface. C'est en effet une des villes souterraines dont parlent les premières histoires, ou tout au moins une de ces vastes nécropoles, ville des morts, qui creusait en tous sens la terre ou le rocher aux environs des grandes cités des vivants. Mais la forme des rochers et des cavernes sans nombre taillées dans leurs flancs indique plutôt, à mon avis, la demeure des vivants. Ces cavernes sont vastes, les portes en sont élevées, des escaliers nombreux et larges conduisent à ces portes. Des fenêtres sont percées aussi dans la roche vif pour donner de la lumière à ces habitations, et ces portes et ces fenêtres donnent sur des rues taillées profondément dans les entrailles de la colline. Nous avons suivi plusieurs de ces rues profondes et larges, et où des ornières indiquent la trace de la roue des chars. Une multitude d'aigles, de vautours, et des nuées innombrables d'étourneaux, s'élevait, à notre approche, de l'ombre de ces rochers creusés, des arbustes grimpants, des fleurs pariétaires, des touffes de myrtes et de figuiers. On prit racine dans la poussière de ces rues de pierre, et tapisse ces longues avenues. Dans quelques endroits, les anciens habitants avaient entièrement fendu la colline avec le ciseau, et percé des canaux qui laissent venir l'eau de la mer, et permettent au regard d'embrasser une partie du golfe qu'elle forme derrière la ville. C'est un paysage d'un caractère entièrement neuf, à la fois grave et dur comme le rocher, riant et lumineux comme ces percées aériennes sur le bleu de la mer, et comme ces forêts de plantes nées d'elles-mêmes dans les fentes du granit. Nous marchâmes quelque temps dans ces labyrinthes merveilleux, et nous arrivâmes enfin au pied de la grande muraille et des monuments mauresques que nous avions devant nous. Là, nous nous arrêtâmes un instant pour délibérer. Ces ruines ont une mauvaise renommée. C'est là que se cachent souvent des bandes d'arabes voleurs qui pillent et massacrent les caravanes. On nous avait averti à Kaïfa de les éviter, ou de les passer en ordre de bataille, et sans permettre à aucun de nos hommes de s'écarter du corps de la caravane. La curiosité l'avait emporté, nous n'avions pu résister au désir de visiter des monuments dont l'histoire ancienne et moderne ne connaît rien. Nous ignorions s'ils étaient déserts ou habités. Arrivés au pied des murs d'enceinte qui les enveloppent encore, nous aperçûmes la brèche par laquelle nous devions y pénétrer. Au même moment, un groupe d'arabes à cheval parut, la lance à la main, sur le sable qui nous séparait encore de l'entrée, et fondit sur nous. Nous fûmes surpris, mais nous étions prêts. Nous avions à la main nos fusils à deux coups chargés et armés, et des pistolets à la ceinture. Nous avançâmes sur les Arabes, ils s'arrêtèrent court. Je me détachai de la caravane, en lui ordonnant de rester sous les armes. Je m'avançai avec mes deux compagnons et mon drogman, nous parlementâmes, et le cheikh avec ses principaux cavaliers nous escortèrent eux-mêmes jusqu'à la brèche, en donnant ordre aux Arabes de l'intérieur de nous respecter, et de nous laisser examiner les monuments. Je jugeai prudent néanmoins de ne laisser entrer avec nous qu'une partie de mon monde. Le reste demeura campé à une portée de fusil du tertre, prêt à venir à notre secours si nous fussions tombés dans une embûche. Cette précaution n'était pas inutile, car nous trouvâmes dans l'intérieur des murs une population de 200 à 300 Arabes bédouins, y compris les femmes et les enfants. Il n'y a qu'une issue pour sortir de ces ruines, et nous aurions été facilement pris et égorgés, si ces barbares n'eussent été tenus en respect par la force qui nous restait dehors, et qu'ils pouvaient supposer plus considérable qu'elle ne l'était réellement. Nous avions eu soin de ne pas montrer tout notre monde, et quelques moukres étaient restés exprès en arrière, campés sur un mamelon où l'on pouvait les apercevoir. Aussitôt que nous eûmes franchi la brèche, nous nous trouvâmes dans un dédale de sentiers tournant autour des débris écroulés de la grande muraille et des autres édifices antiques que nous découvrions successivement. Ces sentiers ou ces rues n'avaient aucune percée régulière, mais le pied des Arabes, des chameaux et des chèvres, les avait tracés au hasard parmi ces décombres. Les familles de la tribu n'avaient elles-mêmes rien édifié, elles avaient profité seulement de toutes les cavités que la chute des pierres gigantesques avait formées çà et là, pour s'y abriter, les unes à l'ombre même des fûts des colonnes ou des chapiteaux arrêtés dans leur chute par d'autres débris, les autres, par un morceau d'étoffe de poil de chèvre noir, tendu d'un pilier à l'autre, et formant ainsi le toit. Le cheikh lui-même, ses femmes et ses enfants, qui occupaient sans doute le palais du village, avaient tous leur demeure à l'entrée de la ville, dans les décombres d'un temple romain, sur un tertre très élevé, au-dessus du sentier où nous entrions. et leur maison était formée par un bloc immense de pierres sculptées qui pendaient presque perpendiculairement, appuyées par un de ses angles sur d'autres blocs roulés pêle-mêle, et comme arrêtés dans leur chute. Ce chaos de pierres semblait véritablement s'écrouler encore, et prêt à écraser les femmes et les enfants du cheikh, qui montraient leurs têtes au-dessus de nous, hors de cette caverne artificielle. Les femmes n'étaient pas voilées, elles n'avaient pour vêtements qu'une chemise de coton bleu, qui laisse la poitrine découverte et les jambes nues. Cette chemise est serrée autour du corps par une ceinture de cuir. Ces femmes nous parurent belles, malgré les anneaux qui perçaient leurs narines, et les tatouages bizarres dont leurs joues et leurs gorges étaient sillonnées. Les enfants étaient nus, assis ou à cheval sur les blocs de pierre taillés qui formaient la terrasse de ces effrayantes demeures, et quelques chèvres noires, aux longues oreilles pendantes, étaient grimpées, à côté des enfants, sur la porte de ces grottes, et nous regardaient passer, ou bondissaient au-dessus de nos têtes, en franchissant d'un bloc à l'autre le sentier profond où nous marchions. Nous vîmes quelques chameaux couchés çà et là dans le creux frais formé par les interstices des débris, et dressant leurs têtes pensives et calmes au-dessus des tronçons de colonnes et de chapiteaux éboulés. À chaque pas, la scène était nouvelle, et attirait plus vivement notre attention. Un peintre trouverait mille sujets d'un pittoresque inconnu dans la forme sans cesse neuve et inattendue dont les demeures de la tribu sont mêlées et confondues avec les restes des théâtres, des bains, des églises, des mosquées, qui jonchent ce coin de terre. Moins l'homme a travaillé pour se créer un asile dans ce chaos d'une ville renversée, plus ces habitations sont improvisées par le hasard bizarre de la chute des monuments, plus aussi la scène est poétique et frappante. Des femmes trayaient leurs chèvres sur les gradins de l'amphithéâtre, des troupeaux de moutons sautaient un à un de la fenêtre en ogive du palais d'un émir ou d'une église gothique de l'époque des croisés. Des cheikhs accroupis fumaient leurs pipes sous l'arche ciselée d'un arc romain, et des chameaux avaient leurs longes attachées aux colonnettes mauresques de la porte d'un harem. Nous descendîmes de cheval pour visiter en détail les principaux restes. Les Arabes nous firent de grandes difficultés quand nous témoignâmes la volonté d'entrer dans l'enceinte du grand temple qui est au bout de la ville, sur un rocher au bord de la mer. Il nous fallut une contestation nouvelle à chaque cour, à chaque mur que nous avions à franchir pour y pénétrer. Nous fûmes obligés d'employer même la menace pour les forcer à nous céder le passage. Les femmes et les enfants s'éloignèrent, en nous lançant des imprécations. Le cheikh se retira un moment, et les autres Arabes montrèrent sur leur figure et dans leurs gestes tous les signes du mécontentement. Mais l'air d'indécision et de timidité mal déguisée que nous aperçûmes aussi dans leur manière nous encouragea à insister, et nous entrâmes, moitié de gré, moitié de force, dans l'intérieur même de ce dernier et de ce plus étonnant des monuments. Je ne puis dire ce que c'est. Il y a de tout dans sa construction, dans sa forme et dans ses ornements. Je penche à croire que c'est un temple antique que les croisés ont converti en église à l'époque où ils possédèrent Césarée de Syrie et les rivages qui l'avoisinent, et que les Arabes ont converti plus tard en mosquée. Le temps, qui se joue de l'œuvre et des pensées des hommes, le convertit maintenant en poussière, et le genou du chameau se plie sur ses dalles où les genoux de trois ou quatre générations de religions se sont pliés tour à tour devant des dieux différents. Les bases de l'édifice sont évidemment d'architecture grecque d'une époque de décadence. À la naissance des voûtes, l'architecture prend le type mauresque. Des fenêtres, primitivement corinthiennes, ont été converties, avec beaucoup d'art et de goût, en fenêtres mauresques à ogives et à légères colonnes accouplées, ce qui subsiste des voûtes brodées d'arabesques d'infini et d'une délicatesse exquise. L'édifice a 8 faces, et chacun des enfoncements produits par cette forme octogone renfermait sans doute un autel, si l'on en juge par les niches qui décorent la partie des murs où 16 autels devaient être appuyés. La partie centrale du monument était occupée aussi par un principal autel. On le devine aisément à l'élévation du terrain dans cet endroit du temple. Cette élévation doit être produite par les marches qui entouraient l'autel. Les pans de cette église sont à demi écroulés, et laissent à l'œil des échappées de vue sur la mer et les écueils qui la bordent. Des plantes grimpantes pendent dans touffes de feuillages et de fleurs du haut des voûtes déchirées, et des oiseaux au collier rouge, et des nuées de petites hirondelles bleues, gazouillaient dans ces bosquets aériens, ou voltigeaient le long des corniches. La nature reprend son hymne là où l'homme a fini le sien. En sortant de ce temple inconnu, nous parcourûmes à pied les différentes ruelles du village, trouvant à chaque pas des débris curieux et des scènes inattendues, formées par ce mélange de mœurs sauvages avec les beaux témoignages de civilisations mortes. Nous vîmes un grand nombre de femmes et de filles arabes occupées, dans les petites cours de leurs cahutes, aux différentes occupations de la vie pastorale. Les unes tissaient des étoffes de poils de chèvre. Les autres étaient employées à moudre l'orge ou à faire cuire le riz. Elles sont généralement très belles, grandes, fortes, le teint brûlé par le soleil, mais avec l'apparence de la vigueur et de la santé. Leurs cheveux noirs étaient couverts de piastres d'argent enfilés, elles avaient des boucles d'oreilles et des colliers garnis du même ornement. Elles jetaient des cris de surprise en nous voyant passer, et nous suivaient jusqu'à d'autres maisons. Aucun des Arabes ne nous offrit le moindre présent. Nous ne jugeâmes pas devoir en offrir nous-mêmes. Nous sortîmes avec précaution de l'enceinte. Personne de la tribu ne nous suivit, et nous allâmes planter nos tentes à 1/4 lieue de la grande muraille, au fond d'un petit golfe entouré aussi de murs antiques, et qui fut jadis le port de cette ville inconnue. La chaleur était de 32 degrés. Nous nous baignâmes dans la mer, à l'ombre d'un vieux môle que la vague n'a pas encore complètement emporté, pendant que nos saïs dressaient nos tentes, donnaient un peu d'orge à nos chevaux, et allumaient le feu contre une arche qui servit sans doute de porte à ce port. Les Arabes appellent ce lieu d'un nom qui veut dire rocher coupé. Les croisés le nomment dans leur chronique Castel Peregrino, château des pèlerins, mais je n'ai pu découvrir le nom de la ville intermédiaire, grecque, juive ou romaine, à laquelle appartenaient les grands restes qui nous avaient attirés. Le lendemain, nous continuâmes à longer les rives de la mer jusqu'à Césarée, où nous arrivâmes vers le milieu du jour. Nous avions traversé le matin un fleuve que les Arabes appellent Zirka, et qui est le fleuve des crocodiles, de Pline. Markemdanarchive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.